Florence Sestac. Eh bien, parlons autrice de bande dessinée, parlons Florence Sestac avec Frédéric Sigrist. Florence Sestac, lors du Festival d'Angoulême de 2016, je me souviens encore de l'émoi que vous aviez provoqué avec d'autres en dénonçant l'absence totale de femmes dans le jury du Grand Prix. Oh là là là là là là, le pataquès, Florence. Ça fait chier, oui. Comment vous avez cassé l'ambiance ! On aurait dit un végétarien dans un repas de Noël en Alsace. Ou Frédéric Fromet chez des fans de Corrida. Alors que franchement, parler de l'invisibilité des femmes dans la bande dessinée européenne, c'est pas un débat en fait, c'est un vrai fait. L'année dernière, j'ai fait partie du jury jeunesse du Festival d'Angoulême, et le soir, je me suis retrouvé dans une soirée à l'hôtel Mercure, avec 90% des participants. Mm-hmm. Et bah, s'il y avait eu une catastrophe nucléaire, et qu'on avait été les seuls survivants, bah, je vous dis, on repeuplait pas la planète, hein. Que des couilles, des couilles, des couilles, des couilles, et encore des couilles. On aurait dit une tribune de foot au Qatar. Le festival a été créé en 1974, seulement 3 femmes ont reçu le Grand Prix. Vous, Florence Sestac, en 2000, Rumiko Takahashi, la mangaka autrice de Ranma 1/2, Lamu et Julia Je t'aime en 2019, et enfin Julie Doucet cette année. C'est 3. Oubliez Bretiché. Claire Bretiché. Ah oui, mais c'était un prix spécial. 10e, oui, mais quand même. Quand oui, même, mais quand spécial. Même. C'est pour ça que j'aime bien le rappeler quand même, parce qu'elle le mérite. N'empêche que, bon, à la limite, là, ça fait 4. 3 femmes, 4 femmes en 48 ans, je pense qu'on peut dire. Le changement, c'est lentement. Voilà. Et commencez pas à me dire « Oui, mais Frédéric, Pénélope Pageux, Marjane Satrapi, Catherine Meurice, à France Inter, on a Walidia, on n'est pas devenu François pour autant. Hein. » Alors, je sais d'ores et déjà que certains auditeurs vont me rétorquer « Peut-être qu'il y a moins de femmes autrices de bande dessinée parce qu'elles dessinent moins bien. » Bah oui, bien sûr. Et les femmes sont moins payées que les hommes parce qu'elles aspirent à la décroissance. Hein, c'est pareil, les mecs qui dorment sur des cartons dans la rue, c'est pour échapper à l'idéal petit bourgeois du toit au-dessus de sa tête. Les noirs qui pédalent sur des vélos Deliveroo, c'est que des cyclistes du Tour de France refoulés. Ben, ce qui est marrant, mais c'est qu'une des raisons multiples qui explique le succès du manga rarement mis en avant en France, c'est sa capacité à s'adresser à un public beaucoup plus féminin et diversifié. J'ai 45 ans et j'ai découvert la bande dessinée dans la bibliothèque des darons de mes potes. J'ai découvert des chefs-d'œuvre, attention. Mais bon, j'ai aussi découvert des foufounes bleues avec Enki Bilal, la signification de l'adjectif calipige avec l'oiselle et la quête de l'oiseau du temps, le déclic de Milo Manara qui m'a laissé une impression durable, les chroniques de la lune noire de Le Droit, des histoires formidables. Mais on sent quand même que ça a été un peu écrit par des mecs. Hein. Le genre de livre qu'à 15 ans, tu lis assis et t'attends 5 bonnes minutes après la fermeture pour te mettre debout. Hein. Et si tu repenses à la Schtroumpfette de Peyot, Mademoiselle Jeanne chez Franquin, Natacha Hôtesse de l'air, la Castafiore chez Hergé, Falbala et Bonne Mine chez Uderzo et Goscinny, niveau psychologie, on peut reconnaître qu'on n'est pas chez Céline Sciamma. Hein. Le succès du manga dans le Pass Culture s'explique par ça, généralement, plus de diversité. Le nombre de jeunes filles qui se sont mis au dessin par amour du manga est phénoménal. Et pourtant, le Japon, niveau féminisme, c'est pas le programme politique de Sandrine Rousseau. Hein. De la même manière, c'est pas parce qu'il y a plus de lectrices que les histoires sont forcément plus girly. Full Metal Alchemist et Demon Slayer, deux blockbusters de l'histoire du manga shonen, ont été écrits par des femmes. La Rose de Versailles, Lady Oscar, écrit par une femme. Sailor Moon, Nana, My Broken Mariko, écrit et dessiné par des femmes. Aux États-Unis, c'est plus complexe, car il y a les comic books indépendants avec des figures du féminisme telles que Trina Robbins, la première femme à avoir dessiné Wonder Woman. Mais il y a aussi la place des femmes derrière la planche à dessin et sur la planche à dessin. Et chez les éditeurs de super-héros Marvel et DC Comics, c'est plus compliqué. En 1961, Stan Lee et Jack Kirby créent la première équipe de super-héros du monde Marvel moderne, les 4 Fantastiques. Avec Reed Richards, le génie, Mister Fantastique, hein, c'est le pseudo Tinder de Poulpe, Ben Grimm, son meilleur ami, une créature rocailleuse qu'il a affectueusement appelée La Chose. Ah voilà, lui il s'appelle Mister Fantastique, il appelle son pote La Chose. Voilà, avec un ami comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Johnny Storm, la torche humaine, et sa sœur Sue Storm, la seule femme de l'équipe qui a pour pouvoir d'être invisible. La première équipe de super-héros Marvel est la seule femme du groupe. On la voit pas. Regarde, c'est les 3 fantastiques. Non, on est 4, mais elle est discrète. Non, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Tout ça pour dire qu'en 2022, même si ça progresse, il faut toujours se battre pour que de plus en plus de dessinatrices aient enfin le droit d'être aussi mal payées que les dessinateurs. Frédéric Sigrist, merci. Bravo Frédéric. Une réaction, Florence Sestac, à cette chronique ? C'est exactement ça. J'ai rien à rajouter. Bravo. Voilà. Bon, bah, très bien. Vous faites un bon duo aussi, alors, puisque vous n'avez rien à faire derrière. Merci Frédéric. Et bien sûr, on peut télécharger, podcaster, partager cette chronique